Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital. Un mot trop et c'est un mot plus en orange. Les flics tabassent, sortent le P38 et le flic du flingue de classe. Les flics, la police et le vice. Et par des keufs se font paner, c'est connu, dans le Parisien t'as que des histoires comme as. La route du guette, mec, les flics aussi. Soit du rouge, aussi rouge que vos bavures. J'ai mal au cœur quand ta frère meurt. Pour eux, un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir quoi. Il est midi et c'est l'émission Le Numéro Zéro. Alors, Le Numéro Zéro, c'est une émission de radio un jeudi sur deux à midi et sera diffusée à 17h sur Radio Duo, donc 89.5 et sur www.radiodio.org. Vous pouvez l'écouter en direct et c'est aussi un site internet et un journal, un site internet d'information participative et un journal qui a apparition un peu. Apparition aléatoire. Et donc aujourd'hui, on va parler de un peu d'histoire. Donc on va parler des grèves dans le bassin stéphanois. Donc on va parler de la grève au Chambon-Fougerolles autour de 1910-1911 et de la grève sur Saint-Étienne et ses environs pendant la Première Guerre mondiale. Et donc cette émission est. C'est avec le Grémos, donc c'est fait avec le Grémos. C'est un groupe de recherche basé à la fac qui s'intéresse au mouvement ouvrier stéphanois et à l'histoire du mouvement ouvrier stéphanois. Et on a deux invités avec nous pour parler de ce sujet-là. Donc il y a Alban Graziotin et Daniel Colson. Alban qui est historien, qui fait une thèse sur le mouvement ouvrier stéphanois. Et Daniel Colson qui est professeur à la fac, qui est sociologue et philosophe. Voilà. Bonjour. Donc on va commencer par la grève du Chambon. Donc si tu pouvais nous... Oui, alors la grève du Chambon-Feugerolles en 1910 est une grève un peu à part dans le bassin stéphanois. Elle est un peu le mythe fondateur du nom de Vallée Rouge pour l'Andenne. Mais on pourrait revenir un peu en arrière avec les grèves de la Ricamarie en 1869. Cette grève du Chambon-Feugerolles a marqué les esprits à l'époque, dans une très large mesure, par son ampleur, ses conséquences, et tous les événements qu'il y a pu avoir autour de ce mouvement de grève. Donc je pense qu'il est un peu nécessaire de revenir un peu en arrière pour préciser un peu mieux le contexte de cette grève. Donc le Chambon-Feugerolles est une commune... assez récente à l'époque, en fait, hein, elle a été créée au courant du 19e siècle par des fusions hein, de deux petits hameaux, le Chambon-Feugerolles. Quoi qu'il en soit, le Chambon va se caractériser par une implantation industrielle très forte, très marquée, dès le départ, notamment par la métallurgie. Et elle va connaître une croissance démographique assez importante. Hein. Donc à cette époque, le Chambon-Feugerolles, c'est environ 10 à 12 000 personnes, hein, donc essentiellement des ouvriers. Quant aux catégories socioprofessionnelles qui composent la ville-village, on va dire. Et l'implantation des premières industries va aussi donner naissance au premier syndicat dans la commune. Mais il faut noter que le Chambon-Feugerolles est une commune un peu à part au niveau de la métallurgie, puisqu'elle a des caractéristiques qui sont assez particulières. C'est le berceau de l'industrie de la lime, en fait. Donc l'industrie de la lime, c'est simplement la fabrication des limes, qui était très usitée à l'époque. Et cette industrie de la lime va être le précurseur du mouvement ouvrier au Chambon-Feugerolles. Donc, pour caractériser cette industrie, il faut simplement dire que la plupart des ouvriers qui travaillent dans cette industrie sont des ouvriers à domicile. Ils travaillent chez eux et on leur passe des commandes, en fait, et ils répondent à ces commandes. Donc, on peut dire que c'est encore des ouvriers artisans, plus ou moins, qui ne sont pas dans des grandes industries et de grandes usines, comme on peut en avoir l'habitude et l'image récurrente. Ce sont des ouvriers qui ont une très forte autonomie au niveau du travail, au niveau des conditions de travail, du temps de travail, mais ils sont quand même dépendants des commandes et des tarifs qui sont appliqués. Donc ils sont à la fois autonomes et à la fois dépendants, comme beaucoup de travailleurs à l'époque, hein, dans tous les cas. C'est donc dans cette industrie de la lime qu'il va y avoir les premiers syndicats qui vont apparaître à la fin du 19e siècle. Donc c'est assez caractéristique de cette époque, hein. C'est des syndicats de métiers avant tout, avec des ouvriers très professionnels qui ont une forte conscience ouvrière de leur travail, de leur savoir-faire, et qui sont très structurés en fait par leur travail et leur savoir-faire dans toutes les attitudes qui peuvent appliquer dans la vie en fait. Mais à côté de la lime, il y a aussi d'autres industries, notamment la boulonnerie. La boulonnerie est par contre là, c'est l'archétype de la nouvelle industrie naissante à cette époque, donc du travail en usine, avec des savoir-faire beaucoup moindres, où il y a une forme de déqualification qui commence à voir jour. Et on pourra noter par la suite que cette industrie va être beaucoup plus timorée, on va dire, dans la grève par rapport aux ouvriers de la lime. Il y a aussi dans cette industrie, donc de la boulonnerie, beaucoup de femmes par rapport aux autres industries. Et c'est encore un signe de cette déqualification, hein, parce qu'il faut savoir qu'au début du XXe siècle, les femmes sont surtout embauchées dans les usines parce que c'est des travaux répétitifs, souvent soigneux, mais dans tous les cas, où il n'y a pas besoin de savoir-faire. Donc il y a directement une conséquence sur les salaires, hein, et les hommes et les femmes ne sont pas logés à la même enseigne du tout, quoi. Il y a aussi beaucoup d'enfants dans cette industrie. Pour clore le chapitre sur la présentation des industries, du Chambon, on peut dire aussi qu'il y a des ouvriers mineurs, mais qu'ils n'ont pas beaucoup d'impact dans les grèves qu'on va étudier par la suite. Donc le Chambon est une ville caractéristique de cette révolution industrielle du 19e siècle, avec une structure à la fois artisanale et une structure industrielle dans ces industries, ce qui aura des grandes conséquences sur la mobilisation des ouvriers à cette époque. C'est vrai que c'est la boulonnerie, par exemple, c'est une nouvelle industrie, c'est une nouvelle forme d'organisation dans les usines. Voilà, c'est une nouvelle forme d'organisation du travail qui est beaucoup plus rationalisée déjà, même si on n'est pas encore au système taylorien comme il va se développer à partir de la guerre notamment. Mais dans tous les cas, cette industrie de boulonnerie tranche un peu par rapport à la tradition de la lime qu'il y avait au Chambon. Pour finir sur la boulonnerie, on pourra simplement dire qu'il y a beaucoup d'usines, une petite vingtaine, mais que la plupart sont des usines de 100 à 200 personnes en fait. Il n'y a qu'une grosse usine qui emploie plus de 700 personnes, c'est l'usine des Platanes, qui est en fait l'usine du maire du Chambon-Feugerolles. Et on va pouvoir se rendre compte que ça aura des implications en fait assez conséquentes là-dessus. Donc pour en revenir succinctement au syndicalisme, donc les premiers syndicats apparaissent chez les limeurs. Ce sont au départ des syndicats, un syndicat du moins réformiste, c'est la chambre syndicale des ouvriers en lime du Chambon-Feugerolles. C'est un syndicat réformiste dans son attitude, mais tout va changer à partir de 1901-1906, en fait, avec notamment la montée en puissance de la CGT en France, qui va donc, les militants du bassin vont plus ou moins coller aux mots d'ordre qui sont proclamés dans les différents congrès de la CGT en France. Et à partir de 1906, va se développer un fort mouvement syndical au Chambon-Feugerolles, chez les limeurs, et au réformisme d'antan, on va passer assez rapidement au syndicalisme révolutionnaire. Donc une approche totalement différente que de ce que pouvait être le syndicalisme avant, hein, réformiste, en relation avec le patronat, où on évitait les grèves au maximum. Avec le syndicalisme révolutionnaire, la grève va être l'un des moyens les plus appréciés par les militants pour arriver à leur fin. La grève à outrance, ils appelaient ça. La grève à outrance, comme on pourra le voir. Hein. C'est vraiment une forme, pas d'idéologie, mais c'est tout misé sur la pratique, en fait. Mais bon, bien sûr, derrière sous-jacent, il y a une, il y a pas une idéologie comme on pourrait l'entendre plus tard, mais il y a quand même des thématiques qui reviennent régulièrement dans les journaux et la presse syndicaliste révolutionnaire de l'époque. Et ce qu'on, on compte surtout sur la, l'activité des masses et de la puissance des ouvriers organisés, en fait. Et moi, j'ai une question, en fait. À l'époque, est-ce que la grève était autorisée ? Oui, la grève est autorisée depuis 1864, donc sous Napoléon III. Mais on va se rendre compte, tout historien qui travaille sur les grèves se rend compte que même s'il y a légalisation, il y a toujours un double jeu qui est fait de la part des gouvernements qui, par les lois, par, donc par l'institutionnalisation de cette grève, peut la contrôler en fait. Donc il y a des limites à ne pas dépasser et on peut très vite tomber dans l'illégalisme en fait. Et l'un des leitmotifs de tous les... commissaires de l'époque, préfets, etc., dans les comptes rendus dont on peut lire dans les archives départementales, par exemple, les comptes rendus des préfets, les comptes rendus des commissaires, il y a toujours cette liberté du travail qui est proclamée. Donc c'est toujours ce point crucial. S'il y en a qui veulent faire grève, ils peuvent le faire, mais il ne faut pas qu'ils empêchent les camarades en fait, de faire grève eux aussi. Donc il y a toujours cette injonction qui leur est faite de ne pas dépasser les règles de la loi. Et donc pour... Ces grèves-là, donc comment ça a commencé, les grèves ? Donc cette grève, elle a commencé... donc le syndicat était très fort vers 1910. Il avait eu une grande victoire en 1906 avec des formes d'organisation qu'on va retrouver en 1910-1911. Il était très puissant et il est commencé par un banal, on pourrait dire, mais en fait c'est assez symptomatique de cette époque-ci, par un renvoi d'un ouvrier. Donc c'est une grève de solidarité en fait qui commence. Donc un ouvrier est licencié à la fin de l'année 1909, en décembre, et dès le départ, le syndicat va essayer d'amener les autres ouvriers dans la lutte. Et la revendication principale, ce qui est étonnant dans cette grève, c'est que du renvoi de cet ouvrier, il ne va presque plus en être question par la suite. Tout l'intérêt, tout l'enjeu va être dans la reconnaissance du syndicat. Donc pour les militants de la chambre syndicale de la LIM, le but premier est de faire reconnaître le syndicat dans l'entreprise. Donc bien que les syndicats, eux aussi, aient été institutionnalisés au XIXe siècle, vers 1885 notamment, par des lois promulguées, il y aura toujours un conflit ouvert et ou sous-jacent aux formes d'organisation. Hein, les patrons ne veulent pas reconnaître les syndicats dans l'entreprise, tout simplement. Donc le but du syndicat est de se faire reconnaître, donc de jouer un rôle primordial dans l'entreprise. Ce qui est là, bien sûr, une totale... ils enfreignent la loi, en fait, quel que soit par rapport au patron. Le patron, lui, ne peut pas accepter qu'il y ait un deuxième dirigeant dans l'entreprise. Donc ce syndicat va tout de suite mettre le ton quant à la reconnaissance du syndicat. Donc très vite, la grève va prendre de l'ampleur. De 200 de l'usine d'où elle était partie, l'usine Besson, elle va progressivement, par étapes successives, dans tout le courant du mois, le premier semestre de l'année 1910, prendre de l'ampleur. Pour arriver donc vers mars-avril à 4000 métallurgistes, donc l'ensemble des métallurgistes du Chambon-Feugerolles en grève. Donc ce qui va étonner les autorités à l'époque, parce qu'ils ne s'attendaient pas à un mouvement aussi fort, d'autant plus que le syndicalisme dans le bassin connaissait quelques signes de faiblesse dans ces années-là, et ils vont être mis face à un mouvement d'ampleur de la part des ouvriers de cette localité. Oui. Donc on pourrait continuer simplement en disant que cette grève va connaître de très très très nombreuses péripéties. Donc quant à la négociation qu'il peut y avoir entre les ouvriers et le patronat. Et cette grève va vraiment cristalliser les passions en fait et va occuper l'ensemble de la vie quotidienne des gens d'alors. Puisque tous les jours il y a des manifestations, tous les jours il y a des défilés ou des réunions dans la chambre, à la vernicherie. Donc la vernicherie, c'est la sorte de bourse du travail du Chambon-Feugerolles. Il y a des réunions tous les jours pour parler un peu de la suite à faire à cette grève, des moyens de s'organiser. Et puis surtout, c'est aussi des moments pour se rencontrer, pour discuter entre les ouvriers. Parce que c'était des mois et des mois de grève, quoi. C'était pas... Ouais. Ça a duré des mois. Cette grève a duré 100 jours exactement. Ouais. Plus de 3 mois, elle a duré 100 jours. Et donc, pendant 100 jours, la vie du Chambon a été complètement bouleversée par rapport à d'habitude. Oui, là, sur cette grève, quand on voit le soutien, par exemple, sur Saint-Étienne, c'est-à-dire que si elle est menée par des syndicalistes révolutionnaires, en même temps, elle a un soutien massif. Donc, l'exemple, c'est les aciéries de Saint-Étienne, où il y a une amicale très réformiste qui existe, l'Amicale réformiste recueille du fric pour soutenir le Chambon-Feugerolles. Donc il y a vraiment un ralliement de toutes les forces ouvrières, au moins dans la météorologie. Il suffit de regarder le journal La Tribune républicaine de l'époque pour constater. Régulièrement, tous les jours, ils vont nous mettre en fait les versements qui ont été faits pour les ouvriers grévistes. Et on a des listes sur plusieurs colonnes, parfois interminables, de donations. Donc ici, un atelier, ici, un syndicat, ou alors des personnalités du bassin stéphanois qui vont soutenir financièrement cette grève. Et grâce à ce soutien logistique, on va dire, hein, financier, qui est là, ils vont simplement commencer à pouvoir organiser des soupes communistes, par exemple. Donc les soupes communistes, c'était tout simplement un moyen de faire vivre la grève et en même temps de soutenir les grévistes. Donc on donnait ce nom-là à l'époque, soupes communistes. Les soupes communistes avaient été quand même, labellisées en quelque sorte par la CGT. Hein, dans les rapports confédéraux de l'époque, on se rend bien compte à leur lecture que la confédération CGT donnait plus ou moins, entre guillemets, l'ordre de... aux syndicalistes permanents de soutenir la grève par tous les moyens et d'organiser ces soupes communistes. Donc c'est pas non plus sorti de nulle part. Il y a eu une volonté franche de la part des syndicats de se prendre en main et de faire en sorte que les gens se prennent en main aussi et de faire vivre la grève. Et le meilleur moyen pour qu'une grève vive, c'est que les gens ne meurent pas de faim, tout simplement. D'assurer la nourriture. Voilà, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de protection de travail. Donc on ne travaillait pas, on n'était pas payé. Donc, à l'arrivée, le meilleur moyen de pouvoir faire perdurer cette grève, c'était de faire en sorte que les gens ne meurent pas de faim. Mais il y avait aussi tout un tas d'autres soutiens qui étaient faits. Par exemple, les enfants du Chambon-Feugerolles, des ouvriers grévistes, étaient accueillis dans les autres localités du bassin. Donc, on appelait ça l'exode des enfants. C'est là où ils marchaient, ils partaient en marchant. Voilà. Ouais. Donc, ils partaient du Chambon-Feugerolles, par exemple, à pied, pour partir à Saint-Étienne. Donc, ils faisaient une dizaine de kilomètres à pied à l'époque. Il s'arrêtait généralement à la Croix de l'Orme pour être accueilli par les dirigeants stéphanois des syndicats, voire des hommes politiques. Ils repartaient tous en cortège sur Saint-Étienne. Ils défilaient dans les rues de la ville, où on pouvait voir aussi qu'il y avait une certaine sympathie de la part de la population pour les grévistes. Et ils faisaient des repas à la Bourse du Travail, organisés notamment par les coopératives ouvrières de nourriture, comme l'Union des Travailleurs. Et ça représentait combien de personnes, ces repas? C'était pour combien de personnes? On a deux indications précises. Pour des repas, c'est environ 2 à 3 000 personnes qui mangeaient. Donc la nourriture était fournie par la coopérative ouvrière, l'Union des Travailleurs. Donc elle se trouve à Carnot actuellement, c'est les anciens locaux Emmaüs. Donc on peut y passer devant, on voit marquer encore l'Union des Travailleurs avec les dates de création, etc. Et ils venaient manger directement grâce à la solidarité ouvrière qu'il pouvait y avoir. Vu que c'était des coopératives ouvrières qui étaient financées par des sortes de cotisations ouvrières, ils avaient les moyens de fournir la nourriture à tout le monde. Donc ils étaient totalement pris en charge par eux-mêmes, en fait. C'est ça qui est intéressant dans ce moment, c'est qu'ils se prenaient en charge par eux-mêmes et ils ne comptaient pas trop à l'assistance publique, on va dire, pour pouvoir vivre. D'accord. Et sur les formes, alors, la forme qu'a pris la grève, les modes d'action? La forme, elle a été assez classique, hein, donc manifestation tous les jours, avec régulièrement des petits actes de violence, du moins selon les autorités. Des manifestations, des réunions, des conférences pour mobiliser les personnes. Et puis surtout, cette intensification de la grève, qu'on ne peut pas rentrer dans les détails ici, mais vu qu'elle a pris successivement d'abord une usine en grève, puis toute la boulonnerie, puis tous les limeurs, puis en fin de compte, tous les métallurgistes du Chambon se mettent en grève. Donc il y a eu des phases de propagande intense de la part du syndicat, quand même, qui était très présent, qui posait des affiches. Aux archives départementales, il y a une trentaine d'affiches sur cette grève qui sont disponibles. C'est très intéressant de pouvoir aller voir, hein, comment ils font pour motiver la population. Et par contre, on n'a pas trop de données pour savoir un peu les débats qu'il y avait en interne. Est-ce que des personnes étaient contre la façon d'organiser les choses, ou est-ce que c'était simplement très fluide et que tout le monde était d'accord? Là, on n'a pas trop de débats là-dessus. Donc ça voudrait dire qu'il y avait peu d'indicateurs de police dans le... pour fournir ses rapports, ce qui est quand même étonnant. Le commissaire de police était très présent, mais c'est vrai que par rapport aux grèves de 1917-18, on n'a pas d'indicateur inconnu, donc de personnes qui fournissent des renseignements, hein, des informateurs, tout simplement. Mmh. On n'en a pas trop de nouvelles là. Il y a vraiment le commissaire. Il y a 3 commissaires d'ailleurs sur place au Chambon en permanence pendant ces 3 mois. Et ils font des rapports quotidiens. Donc on a au jour le jour, on a la vie de la grève qui se fait. Mais il n'y a pas d'informateur comme on peut le voir. Du moins, dans les sources que j'ai récupérées, je n'ai pas trouvé de notes émanant d'informateurs. Et est-ce que tu as trouvé des données par rapport aux problèmes que posait Jean-Paul Martin? Je crois qu'elle travaillait sur ces grèves. Et il soulignait un peu le fonctionnement assez complexe, puisque le syndicat est dirigé par des jeunes militants qui sont membres du groupe anarchiste du Chambon. Et en même temps, alors c'est la thèse de Martin, je ne sais pas si tu as trouvé des trucs, c'est qu'à la fois, eux, ils savaient bien maîtriser la violence, donc agir, mais clandestinement, il y a eu un certain nombre d'explosions devant les maisons des propriétaires. Et apparemment, c'était les mêmes, puisque moi, j'avais interviewé Petrus Fort, qui faisait partie du... Et qui dit qu'en gros, c'était Benoît Frachon, Petrus Fort et les autres qui... Voilà, qui et Jean-Marie Thir. Et Jean-Marie Thir, voilà. Ouais. Non, totalement. C'était les mêmes personnes qui... C'est les mêmes, ouais. C'est les mêmes, en fait, qui animaient la grève publiquement et qui... La nuit, agissaient en solitaire, dans la pure conception... On ne sait pas. Ben, a priori, si, hein, selon les témoignages aussi de M. Moulin, que Jean-Paul Martin avait interviewé à l'époque, il a confirmé que c'était... Jean-Marie Thir qui agissait en solitaire. Donc Jean-Marie Thir, pour recadrer un petit peu, c'est l'un des meneurs principaux de cette grève, hein, l'un des dirigeants du syndicat des métaux du Chambon. Et il va prendre une ampleur assez considérable, il va avoir un charisme très fort, notamment à partir du mois de mars, avril. Par exemple, il va se faire arrêter et les autorités vont vouloir... mettre bas en fait à ses agissements. Ils se rendent compte qu'il a un pouvoir très fort et ils vont l'interpeller, ce qui va créer un énorme mouvement de contestation, puisque plus de 1000 personnes vont partir du Chambon-Feugerolles à pied pour rejoindre la prison de Bellevue où il avait été incarcéré. Et le préfet, voyant ça, s'inquiète énormément, donc il reçoit en catastrophe les autres dirigeants du syndicat et tout simplement il fait relâcher Jean-Marie Thir qui est porté sur les épaules au Chambon. Ils font une grande fête. Mais il avait vraiment peur que qu'il y ait une sorte de contagion qui se propage sur Saint-Étienne même. Hein. Mais pour relativiser, on pourrait quand même dire que les ouvriers de la boulonnerie du Chambon ont essayé de contacter d'autres ouvriers de la boulonnerie qui travaillaient sur Saint-Étienne. Parce que, par exemple, comme les usines étaient fermées, les patrons faisaient faire leur travail par d'autres ouvriers, notamment à Saint-Étienne. Donc les syndicalistes disaient que c'était une forme de sabotage de la grève. Et ils ont tout fait pour essayer de conscientiser, on va dire, les ouvriers métallos de Saint-Étienne qui bossaient pour les patrons du Chambon. Mais ça va être vain. Parce que simplement, les ouvriers, par exemple, de l'usine Mermier vont dire, nous, quand on a été en grève dans le courant des années 1907-1908, vous n'êtes pas venus nous aider. Donc on ne voit pas pourquoi on ferait grève avec vous aussi. Donc on voit quand même qu'aux particularités du métier, il y a aussi les particularités des espaces, chacun est dans son endroit géographique. Un peu comme à l'université de Saint-Étienne, le personnel technique, il disait, quand on a fait grève il y a 4 ans, personne, les profs ne sont pas venus nous aider. Voilà, c'est ce qu'il disait l'année dernière. Ça, c'est une constante dans l'histoire, on peut dire. Ouais. Sauf à certains moments. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. C'est ça le problème. Mais du coup, il y a eu 1000 personnes qui ont sorti quelqu'un de prison. Et alors, tu pourrais plus détailler. Parce qu'ils ne sont pas allés comme ça. Non, ils ne sont pas allés comme ça. Ils y sont allés armés. Ils y sont allés avec... Avec la clique. Oui, c'est ça. Ce qui est très caractéristique... Il y a une vie ouvrière intense. Très caractéristique aussi de cette période en général. Hein, le côté fanfare, la musique un peu avec la marche un peu militaire, qui fait qu'on marche quand même... les gens vont au service militaire. Ils ont une certaine culture aussi du marche au pas. Et ils viennent armés. Ils sont armés. Il y en a beaucoup qui sont armés. Donc des petits pistolets, c'est pas non plus un attirail et un arsenal phénoménal, mais ils ont aussi bien des gourdins que des petits pistolets de l'époque que nombreux utilisaient. Et ils attaquaient même les pompiers, apparemment. Et aussi, notamment, dans certains moments critiques, il y a eu des émeutes. Par exemple, courant mars, il y a eu une grosse émeute au Chambon. Et les émeutiers, donc en fait les grévistes, ont fait brûler un hangar d'un petit patron. Et les pompiers sont venus en catastrophe pour l'éteindre. Et là, ils ont attaqué les pompiers. Donc, on peut faire aussi des liens avec aujourd'hui. Hein, comme quoi, ce n'est pas nouveau que des personnes s'attaquent aux pompiers. On ne va pas justifier ou ce n'est pas le propos ici. C'est simplement de montrer que depuis le 19e siècle, la fin du 19e siècle, il y a des attitudes comme cela qui se font face aux personnes qui viennent en gros saboter leur acte de bravoure. Parce qu'entre eux, il faut bien se mettre dans l'effervescence d'une petite émeute, même si c'est à l'échelle d'une petite ville comme le Chambon à l'époque. Il y a une certaine dynamique d'entrain qui fait que les personnes ne comprennent pas pourquoi on vient éteindre le feu qu'ils viennent de mettre pour eux qui est justifié. Et c'est vrai que c'est très c'est une attitude qui peut paraître ambiguë. Et donc, alors justement, pour finir un peu sur le Chambon, à la fin de la grève, il y a eu la mairie qui a été qui a subi une attaque. Mais c'était rigolo comme. Donc oui, donc la grève va prendre fin en fait par un compromis très bancal. Il y a eu une petite ruse qui s'est passée. Et donc les grévistes ne sont pas tout à fait satisfaits. Il y avait eu la cavalerie, les cuirassés. Oui, les dragons étaient présents. Il y avait des dragons. Forces phénoménales au Chambon qui étaient déployées. Il y avait environ l'armée. Donc. Il y avait 1000 soldats. Donc l'armée, généralement, les soldats étaient bien vus par la population parce que c'était des conscrits. Par contre, les gendarmes étaient très très mal appréciés parce que eux, ils représentaient véritablement l'autorité. Donc on a des petits tracts de l'époque, des petits papillons, qui sont distribués. Soldats, vous êtes avec nous, vous êtes nos frères, ne nous tirez pas dessus, rejoignez-nous. Par contre, les gendarmes, eux, étaient généralement détestés par les grévistes les plus radicaux, en fait. Et donc par rapport à cette histoire de la mairie, ils vont tout simplement... Ils vont tout simplement mettre le feu à la mairie le jour des élections. Donc il faut savoir qu'après le compromis bancal qui a clôturé cette grève, les syndicalistes ne sont pas tout à fait satisfaits de ce compromis, les patrons non plus, et il y a surtout une chasse aux jaunes qui se fait et qui va durer pendant 15 jours environ. Donc la chasse aux jaunes, c'est la chasse aux ouvriers qui n'ont pas voulu la grève à cette époque-là. Donc ils essaient de monter un syndicat jaune, comme on dit à l'époque, et ils vont faire en sorte de les pourchasser. Hein. Ils disent clairement, c'est la chasse aux jaunes. Et à côté de ça, parallèlement, il y a les élections qui se profilent. Donc il y a une activité assez intense de la part du Parti Socialiste Unifié de l'époque pour créer une effervescence autour. Et ils veulent se servir de la grève pour pouvoir gagner enfin au Chambon-Feugerolles, où ça a toujours été très conservateur. Mais le maire Claudinon, donc, qui tient une des grosses usines du Chambon, lui n'entend pas se laisser faire. Mais le jour des élections, lors du dépouillement, il y a plus de 400 personnes dans la salle de la mairie. Et ça va très vite dégénérer. Le maire Claudinon va se faire prendre à partie, il va se faire insulter. Et il va être très chahuté. Le commissaire va vouloir intervenir. Il va se prendre un petit coup de couteau au passage. Le maire et le commissaire vont apprendre qu'une usine serait en feu. Donc ils quittent la salle. Et à ce moment-là, les grévistes en profitent. Les grévistes, ce n'est plus vraiment des grévistes, mais les militants et les personnes présentes, du moins à ce moment-là, vont en profiter pour mettre le feu à la mairie. Donc la mairie du Chambon va brûler, et ce qui va avoir un retentissement assez important. Le petit journal de l'époque va faire ses couvertures sur la mairie du Chambon-Feugerolles qui a été mise à sac par les on ne peut plus dire les grévistes, mais par les militants, entre guillemets, révolutionnaires de l'époque. Et c'était une ruse, parce qu'il n'y avait rien qui cramait dans l'usine. Il y avait pas a priori, c'était une ruse. Donc on ne sait pas qui a dit au commissaire qu'il y avait le feu. Est-ce que c'est une tactique de la part des personnes présentes pour le faire partir? Dans tous les cas, ils vont en profiter pour faire brûler la mairie, ce qui va donner cette image de la Vallée Rouge. Mais est-ce que c'était vraiment le... Parce que moi, j'avais l'impression que c'est vraiment les militants qui... Non, c'est qu'est-ce ça, que dit la police? Parce que c'est pas sûr, là, quand même. Non, la police ne dit rien. On a le profil des personnes qui ont... Il y a eu des arrestations. Il y a le profil des personnes. C'est des personnes qu'on n'avait pas... On n'avait pas vu leur nom pendant la grève. Mais c'est des personnes qui ont dit le rouge, qui ont des sobriquets assez intéressants pour l'époque. Et c'est eux qui vont être interpellés. C'est pas les militants. Mais ce n'est pas les militants les plus durs. Donc, est-ce que les militants syndicaux étaient derrière tout ça? On ne peut pas le savoir. L'attitude du syndicat à cette période-là est très ambivalente et ambiguë. Ils sont plutôt discrets sur cette affaire. Mais ça correspond totalement aussi à leur attitude en général, comme on a vu qu'ils jouaient double jeu un petit peu par certains moments. Pas tous non plus. Bon, ben c'était fascinant cette histoire du fond. Il y aurait beaucoup de choses à rajouter, quoi. On va faire une pause, une petite pause musicale. Allez. Oui, on va faire une pause musicale avec un chant de Charles Avray qui s'appelle Le Triomphe de l'Anarchie. C'est parti. Tu veux bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le le sang coule et rougisse la terre. Mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire. On le devient de trop philosopher, debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher, debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure n'ont de valeur qu'en leur utilité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire. On le devient de trop philosopher, debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher, debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. On rêve amour au-delà des frontières, on rêve amour aussi de ton côté. On rêve amour dans les nations entières, l'erreur fait place à la réalité. Oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, je ne conscris, mieux te vaut déserter. Debout, debout, compagnon de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire. On le devient de trop philosopher, debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher, debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Donc voilà, après le chambon, ça a résonné, ça, c'était une contagion dans tout le bassin stéphanois. Et donc on passe à ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. J'ai du mal à prendre la suite, mais en fait il y a un lien direct entre les deux, puisque moi je connais surtout la situation de Saint-Étienne, j'ai moins travaillé sur le chambon, mais à Saint-Étienne on retrouve la même génération, une génération militante, de militants très jeunes, de 20 à 25 ans, mais qui ont en même temps un sens de la tactique, de la pratique, qui ont une formation politique assez étonnante et qui donc dirigent les organisations de la métallurgie de Saint-Étienne. Et il y a un mouvement de grève jusqu'en 14 très important, dont le chambon est le truc éclatant, mais il faudrait pas négliger toutes les grèves, et les grèves sont des grèves extraordinaires puisqu'elles sont soit par atelier, soit, et c'est souvent des rapports d'autorité, donc on sent bien que le mouvement ouvrier, lui, il est en train de constituer une véritable alternative à l'ordre social existant. Parce que ce qui m'a frappé dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand même qu'à la fois c'est un mouvement, la chanson le disait tout à l'heure, c'est un mouvement qui peut être très violent. En même temps, une violence assez contrôlée malgré tout. Peut-être eu des morts, mais... Non, il n'y a pas eu de morts à cette période. Et ce qu'il faut rajouter, c'est que j'avais essayé de travailler là-dessus justement dans mon travail. C'était de montrer que la violence, on en pense ce qu'on en veut. On a chacun des présupposés là-dessus. Elle est symbolique en partie. Mais elle est très symbolique et elle n'a jamais été gratuite. Donc les autorités ont toujours essayé de faire passer ces actes de violence comme des violences gratuites, alors qu'en fait, elles ont toujours été systématiquement dirigées contre des cibles bien précises, aussi bien symboliques que matérielles. Donc des petites fenêtres de jaune contre la mairie, contre des usines, mais c'est pas une violence qui éclate à la l'air de rien. C'est quelque chose qui est très ciblé, donc on peut pas dire que c'est une violence gratuite du tout. C'est quelque chose de réfléchi. Et du coup, ça illustre quand même, c'est Yves Lequin dans son bouquin sur la classe ouvrière dans la région de Lyon qui explique bien ça. C'est qu'on voit que c'est un mouvement qui peut être à la fois très dur et violent, en particulier avec les groupes anarchistes plus ou moins clandestins, et en même temps qui s'appuie sur une base immense. Et donc ce que dit le Quint, enfin, quand on voit qu'ils viennent armés pour essayer de délivrer de tir à la prison, mais ils viennent avec la musique, les habillés, etc. Donc il y a vraiment une alternative sociale et de classe, enfin je ne sais pas comment on peut dire, qui fait que ce qui est réformiste est aussi en lien. Alors de temps en temps ça décroche, voilà. Mais... Exactement. Quand on le voyait avec les coopératives, tous les réseaux d'entraide qu'il pouvait y avoir... À l'époque, c'est quand même un signe fort de pas d'une autonomie totale, mais d'une forme d'autonomie qui pourrait bien séparatisme, quoi. Bien éclater. Ouais. Oui, ouais. Ils pourraient totalement se prendre en charge par eux-mêmes, et ils l'ont montré par ces formes de solidarité qu'on a. Bah oui, l'exemple donc Flageolet, que tu connais bien, c'est effectivement quand la Bourse du Travail prend l'initiative de monter le comité d'action du prolétariat organisé, ce qui est un nom extraordinaire, donc où il y a le Parti socialiste où effectivement les tendances révolutionnaires et libertaires sont fortes. Et en même temps, les coopératives. Et donc, il y a une espèce d'alternative, puisqu'il se monte une dizaine de boucheries ouvrières. Donc, ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est la capacité à tenir une grève de 6 mois où les familles nourrissaient les gamins du Chambon. Donc, il y a vraiment un mouvement ouvrier dont on n'imagine pas le... Où ils se prennent en charge. Ce qui, du coup, si on rapporte à l'actualité, ça change un peu... C'est-à-dire que la violence de l'époque dans ces quartiers-là, c'est en même temps une violence qui s'appuie sur une alternative sociale, économique et culturelle qui n'existe plus maintenant, puisque maintenant il y a une espèce de désemparement, enfin de dislocation. Il y a surtout, là, si on veut prendre une perspective historique, il y a surtout une place de l'État qui est beaucoup moins importante à l'époque. Là, on a encore la Troisième République. Il n'y a pas de mesure, oui. On est à la Troisième République. C'est du local. Et il n'y a pas toutes les institutions qu'on a pu connaître, notamment après la guerre, où il y avait la prise en charge des... il y avait tout ce qui est... Social. Voilà, tout le côté social de l'après-guerre qui n'existait pas. Donc il fallait bien trouver des alternatives pour se prendre en charge et continuer à survivre. De manière autonome. Donc, c'est le côté intéressant de la chose, c'est qu'ils pensent vraiment que par le syndicalisme, on peut transformer la société et que le syndicalisme, les formes de coopération qui peuvent exister dedans... Et l'alternative à la société capitaliste et bourgeoise, comme ils disaient à l'époque. Donc il y a une forme d'autonomie qui est assez puissante, qui n'existera plus après, notamment parce que l'État va prendre en main beaucoup de choses. Donc du coup, on retrouve le problème qui se posait déjà à l'époque. C'est soit un mouvement révolutionnaire autonome, donc de type syndicaliste révolutionnaire ou anarchiste, et de l'autre, la voie, on va confier à l'État le soin. Et on voit bien comment la voie réformiste... en confiant à l'État le soin de gérer le social, à contribuer, il y a des tas d'autres raisons, à l'éclatement d'une alternative sociale forte. Et dans ce moment-là, dans ce processus, la guerre de 14-18 est l'un des moments clés aussi. C'est l'un des moments clés dans ce processus à la fois d'étatisation de la société et en même temps de déliquescence et de d'éclatement un peu des formes de syndicalisme qui pouvaient exister avant. Donc là, peut-être on peut dire quelques mots sur cette grève. Donc Saint-Étienne, je ne rentrerai pas non plus dans les détails, je les ai oubliés en partie, mais c'est comparé à d'autres villes où justement le syndicalisme réformiste était plus fort. Saint-Étienne, il y a un concours de circonstances donc, qui est lié à cette génération de militants qui existait au Chambon, mais qui existait à Saint-Étienne. Donc on rappelle qu'un certain nombre d'entre eux ont pris le maquis dans le Pilat avec des fusils parce qu'ils avaient, au moment de la déclaration de guerre. Et donc cette nouvelle génération fait que le mouvement dans la métallurgie va être quasiment insurrectionnel et donc de mouvement contre la guerre directement. Donc il faudrait aussi, enfin tu le signalais tout à l'heure, parler de cette jeunesse, donc les jeunesses syndicalistes, les anarchistes, une génération assez jeune, la guerre sociale du côté des socialistes puisqu'il y avait une tendance radicale. Du côté socialiste, fait qu'il y a une génération qui est prête à répondre à la menace de guerre et donc à appliquer les mots d'ordre de la CGT qui avaient été faits par la CGT avant. Oui, parce qu'il faut bien savoir que la CGT avait, depuis les débuts du siècle, mis en avant cette idée d'internationalisme et d'antipatriotisme, lié totalement les deux, ces deux faces. Et le but était simplement, en cas de guerre, de faire une grève générale. Insurrectionnel si possible. D'ailleurs, il y a Gustave Hervé qui a dit, dans La Guerre sociale, c'est un petit journal d'époque, contre la guerre déclarée, il n'y a qu'une seule mesure efficace, l'insurrection. Donc c'était un peu un réflexe. C'était une sorte de réflexe. Après, ça restait un réflexe, on peut dire, assez théorique. En précisant que c'était compliqué, parce que Gustave Hervé, c'est justement lui qui va devenir un patriote épouvantable. Voilà. Donc les grandes gueules extrémistes, il faut des fois s'en méfier. Voilà. Exactement, non, parce qu'il y a toute l'ambiguïté de cette période-là, où en fait, une partie des militants va se rallier à l'Union Sacrée en 14, et une autre partie va vouloir continuer dans sa voie. Donc après, c'est là que ça rejoint aussi le contexte local. Moi, j'avais dit que c'était une conjonction de conjoncture. Le bassin de Saint-Étienne va devenir l'un des arsenals de la France. Le comité des forges, donc c'est l'ancêtre de l'UIMM d'aujourd'hui, dans un petit bouquin qu'ils vont sortir juste après la guerre, va bien expliquer le rôle important qu'a eu le bassin stéphanois. Et pour mesurer toute l'ampleur de sa place, simplement, il y avait plus de 100 000 travailleurs à Saint-Étienne même, dans le bassin en général, pour l'arsenal de guerre. 100 000 ? 100 000 travailleurs dans l'ensemble du bassin. Saint-Étienne est passé de 140 000 habitants environ à 220 000 pendant la période de guerre. Donc il y a eu un accru de population de réfugiés du Nord dans les zones occupées qui sont venus habiter sur Saint-Étienne. Donc ça a causé des problèmes aussi un petit peu de xénophobie. Il y a eu des grandes tensions aussi sur les marchés, notamment les femmes, par exemple. Les femmes du Nord étaient accusées par les femmes de Saint-Étienne de brader les prix, quoi, d'acheter à un prix élevé, alors que les femmes, pendant les années 1910-1911, il y a eu les grands mouvements contre la vie chère, comme on disait. Et elles avaient tout fait pour justement que les prix n'atteignent pas des énormités. Et ça va créer des petites tensions au sein des populations. Mais à côté de ça, cette concentration de population va créer une certaine effervescence. Donc ce qu'on dit pour Saint-Étienne, c'est valable aussi pour l'ensemble de la vallée du Gier et de l'Ondaine. Donc les grosses usines vont exploser en nombre d'ouvriers qui seront mobilisés, donc c'est-à-dire directement militaires, mais à l'usine. Donc s'ils faisaient un pas de travers, on pouvait les envoyer au front. Donc ça aussi explique une partie de l'attitude des ouvriers de l'époque. Mais du coup, enfin, ça rentre dans les conjonctures multiples. C'est que justement, dans les usines, ça va exploser. Enfin, moi, j'ai travaillé un peu sur les aciéries de Saint-Étienne. C'est-à-dire que les statuts étaient tellement différents avec les femmes, les mobilisés, etc. Les salaires n'étaient pas les mêmes. Donc l'unité, elle s'est faite sur cette base-là. Presque naturellement, oui. Ouais, ouais. Ils ont senti que c'était tous ensemble qu'ils pouvaient y arriver. Et donc pour resituer, en fait, pendant 14-18, il y a des grandes grèves à Saint-Étienne, c'est ça ? Oui. Comment est-ce qu'elles démarrent ? Sur quelle... Je pense qu'il faut le resituer peut-être dans un contexte plus vaste, qui est beaucoup moins optimiste par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on signalait le drame de la guerre de 14-18, c'est qu'avant 14, on voit bien qu'il y a une montée en puissance du mouvement ouvrier et de dire ça ne peut plus durer, il faut qu'il se passe quelque chose, et donc une espèce, on sent qu'il va y avoir une explosion. Or, en fait, la guerre de 14 va servir d'exutoire et d'explosion. C'est-à-dire que la guerre va substituer un nationalisme stupide et tel qu'il va exister, mais surtout une situation traumatisante, puisqu'il va y avoir 1 400 000 morts. Enfin, cette alternative ouvrière, sociale et révolutionnaire d'avant 14, elle est brisée nette par la guerre de 14-18. Donc ce qui se passe pendant la guerre, c'est une... J'ai un peu oublié ta question, mais... Moi, je demandais quelles sont les grèves qui se passent, pourquoi, comment... Oui, alors donc après, c'est si on prend la métallurgie, donc, qui est vraiment le secteur le plus combatif, où il y a le plus d'ouvriers, enfin, qui est celui qui s'est développé de manière considérable, si on prend sur Saint-Étienne, le syndicat est quasiment inexistant en 14-15. Donc, ils réapparaissent fin 15, mais ils sont une quarantaine, une vingtaine. Ils ne sont pas nombreux du tout. Ouais. Et en 16-17, donc c'est les mêmes. Hein, ceux qui ne sont pas mobilisés. Ceux qui n'ont pas trahi, qui ne sont pas entrés dans l'Union sacrée. Hein. Alors, mais à Saint-Étienne, il y en a peu, dans la métallurgie. Et donc, à un moment donné, ça va basculer pour des raisons conjoncturelles, mais alors vraiment locales. Et à ce moment-là, le syndicat va exploser. L'exemple, c'est l'amicale dont j'ai parlé, qui avait donné de l'argent pour soutenir le Chambon, qui était vraiment très réformiste, où il y avait 400 adhérents, dans une usine ou l'autre, le syndicat de la Bourse, ils étaient 80 ou 60 dans les meilleurs moments. Cette amicale, elle passe dans le syndicat, donc ça indique un mouvement de fond. Mais ce mouvement de fond sur la guerre... À mon avis, mais là, on pourrait discuter, tout est joué, le mouvement ouvrier, il meurt de la guerre de 14-18. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les grèves de 20 et de 18-19, elles sont déjà... Enfin, il va y avoir un changement de la composition de la classe ouvrière. Et surtout, les militants Alors c'est ce que moi j'ai défendu dans les militants qui sont massivement anarchistes ou syndicalistes révolutionnaires. Dans une situation où tout s'écroule, dans les années 20, ils vont rejoindre le Parti communiste, qui sert de réceptacle, c'est-à-dire que la révolution qui apparaissait comme possible en France, avec les cliques, les bibliothèques, les dispensaires et la violence, hein, une violence maîtrisée, ce qui apparaissait comme une alternative, va être vécu de manière mythique. C'est la Russie qui l'a fait. Exactement. Et on vit en fonction d'une révolution lointaine. Supposée lointaine qui s'est passée ailleurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand on étudie... C'est une tragédie pour le mouvement ouvrier qui n'aura pas lieu en Espagne, où il n'y a pas eu la guerre, etc. Exactement. Là, c'est, au niveau de l'histoire, pour l'histoire, c'est très intéressant de faire ces parallèles avec ce qui s'est passé en Allemagne. En Espagne, il n'y a pas eu cette guerre. Et donc le syndicalisme révolutionnaire a continué à monter en puissance pour arriver en 1936 à la guerre d'Espagne, à la révolution d'Espagne. Contrairement, ce qu'il faut noter simplement, ce qui était c'est possible qu'à en France, voilà, c'était possible en France, mais à Saint-Étienne, l'exemple nous l'a montré, tu l'as bien étudié dans ton bouquin, c'est qu'il y a une persistance quand même assez phénoménale du phénomène syndicaliste révolutionnaire à Saint-Étienne. Avec un repli qui se décompose, voilà, avec un repli derrière la Bourse du Travail, mais qui va quand même qui va être de plus en plus dépassé par le phénomène communiste. Pour en venir à l'organisation des syndicats pendant cette période, donc comme tu l'as dit, c'est bien à partir de 1916 vraiment que tout se réorganise, et à partir de 1917, c'est une explosion. Par exemple, le comité intercorporatif de la Loire, qui est une structure très originale pour l'époque, très originale. Ouais. Oui, disant quelques mots, voilà, peut-être. Donc le comité intercorporatif de la Loire... Il parle de flageolet, voilà, regrouper, en fait, les syndicats du bâtiment et de la métallurgie, essentiellement de l'ensemble du bassin. Donc ce qui est un peu... Un gros bataillon, mais surtout qui s'oppose un peu à la structure de l'union locale et des unions départementales qui surajoutent à ça. Donc on est sur les deux tableaux, entre nouvelles formes de structures qui pourraient peut-être dessiner ce que sera le syndicalisme plus tard, avec une unité commune au niveau de certains modes d'action, et en même temps un vieux fonds syndicaliste révolutionnaire. Et donc ce comité intercorporatif qui va réunir l'ensemble des organisations syndicales du bassin va passer à plus de 25 000 membres, ce qui ne s'est jamais vu à Saint-Étienne. 25 000 membres pendant la guerre, donc ça peut bien montrer aussi cet espoir qu'il y avait pendant cette période de la guerre au niveau des ouvriers de... Peut-être pas un espoir, mais cette volonté d'être ensemble, de briser ce carcan, d'être au travail, parce qu'il faut savoir que les conditions de travail pendant la guerre ont été assez terribles. On travaillait beaucoup, même s'il y avait, par exemple, certaines fois, on disait qu'il y avait des planqués à la manu, donc à la manufacture d'armes. Mais il faut savoir qu'il y avait quand même des conditions de travail assez terribles, des conditions d'hygiène et d'habitat encore plus terribles. La ville de Saint-Étienne a toujours été surpeuplée à cette période-là, quand on estime qu'il y a plus de 60 000 personnes en plus. On peut imaginer les dégâts que ça avait au niveau de... Donc les gens étaient obligatoirement... les uns sur les autres, donc les uns avec les autres. Ils se voyaient tout le temps, ils étaient, comme ils logeaient dans des petits garnis, donc dans des deux pièces, ils étaient souvent dehors et discutaient. Le syndicalisme, c'était pour eux aussi une forme d'aventure pendant cette période d'horreur de la guerre, avec la crainte tout le temps permanente de perdre un ami. Donc les grèves vont se développer sur ce terreau-là. Et donc l'organisation des syndicats va être très importante, notamment le comité de défense syndicaliste, qui est une sorte... d'excroissance de la CGT à l'époque, qui va regrouper les syndicalistes les plus révolutionnaires de la CGT qui n'ont pas voulu l'Union sacrée. Et ce comité de défense syndicaliste, le CDS, implanté à Paris au départ, va tout de suite faire des émules, notamment dans le bassin. Et ils vont tout faire pour créer donc une effervescence générale sur les thèmes du salaire, pour motiver la plus de gens possible, mais en même temps, avec l'idéal syndicaliste révolutionnaire, cette volonté d'en finir avec la guerre, donc de faire des grèves contre la guerre. Et ce CDS... va avoir une importance primordiale, du moins pour les autorités de l'époque, et nous on s'en rend compte dans les travaux qu'on a pu lire à l'époque. Toutes les personnes comme Flageolet, Andrieux, etc. avaient des contacts réguliers avec ces personnes de Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que des personnages comme Clovis Andrieux, donc, qui va être l'un des meneurs des grèves de 17... Dis quelques mots sur ou Flageolet... Ou... Donc ouais. Je vais parler d'Andrieux en premier, je pense. Andrieux va vraiment cristalliser la période. Il est militant parisien, en fait. Et lui, il est, comme beaucoup d'autres militants parisiens, muté sur Saint-Étienne pour travailler dans la métallurgie. Donc, en gros, il y a beaucoup d'ouvriers à cette époque, en fait, qui ont eu de la chance, qui n'ont pas été mobilisés sur le front, ont été mobilisés dans les usines d'armement. Donc, ce qui a posé aussi des problèmes, parce qu'une masse de paysans assez considérable disait que c'était tous des planqués, en fait. Donc, ça crée des tensions entre les masses populaires, on peut dire, de l'époque. Et donc ce Clovis Andrieux va tout faire pour réorganiser les syndicats, notamment les syndicats de femmes, ce qui est une première à l'époque. Il va tout faire pour mettre en branle des syndicats de femmes à Firminy. Et ce personnage va être le le fer de lance de le la... Le tir des années suivantes. Le tir des années 14-18. Donc, notamment, ça va être à cause de lui, ou grâce à lui, ça dépend du point de vue qu'on veut prendre, que la première grosse grève du bassin va éclater. Donc, en 17, il y a quelques petites grèves qui éclatent ici et là, notamment chez Le Fleuve. Donc, Le Fleuve, ça va devenir Schneider, etc., plus tard Berthier. Et il y a des grèves de bras croisés, comme il y en a à Paris. Il y a un mouvement social qui se crée en France à partir de 1917, dans tous les centres urbains où il y a des ouvriers. Et Clovis Andrieux, lui, va profiter de son aura, on va dire, pour organiser tout ça. Et les autorités vont être très inquiètes de son activité. Donc le préfet de la Loire, qui l'a connu pendant une période assez conséquente, va le rappeler pour qu'il soit mis à disposition des autorités militaires. Donc en gros, ils veulent vraiment couper l'une des têtes du mouvement syndical. Et ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est qu'une grève éclate par solidarité envers lui. Sur le côté rituel, ça recommence. C'est-à-dire qu'il a mis dans la prison de Saint-Étienne et de nouveau, tout le monde part, il me semble. Hein, il est ramené de Firminy, par contre, à la gare. Il est ramené à la gare de Firminy, il doit prendre un train pour partir. Ouais. Et là, il y a toute la population ouvrière de Firminy qui vient le récupérer, qui ne veut pas qu'il parte. Alors lui, il négocie avec eux en leur disant « je vais aller à Paris parce que... » Il va rencontrer Georges Clemenceau qui vient juste d'être élu à l'époque et il va aller à Paris. Donc en attendant, la grève éclate et la grève, elle va concerner quasiment 100 000 à 200 000 personnes dans l'ensemble de la Loire. Donc c'est l'une des grèves les plus gigantesques qu'il y a eu dans le bassin stéphanois. C'est l'une des grèves les plus méconnues en fait, d'autant plus dans cette période de guerre de 14-18 où on a l'impression après coup qu'il y avait un consensus général derrière l'Union sacrée. Et donc ces grèves de la Loire vont nous montrer au contraire qu'il y avait quand même des réticences à la guerre. Et ce mouvement qui commence vraiment et qui prend une ampleur phénoménale en décembre 17 va se poursuivre en début de l'année 1918 pour aboutir encore une fois à un énorme mouvement en mai 1918. Donc il y a encore beaucoup de débats en interne. Hein, donc il faut savoir que les syndicats ne sont pas spécialement d'accord les uns avec les autres. Hein, il y a quand même des personnalités fortes dans chaque syndicat. Il y a ce Flageolet, donc ce fameux Flageolet, Charles Flageolet, qui était de Lyon, qui est muté à Saint-Étienne, qui travaille dans une imprimerie, qui va prendre la tête de l'Union départementale, du secrétariat, et qui va tout faire, lui aussi, qui est un militant anarchiste actif, qui va tout faire pour propager l'idéal contre la guerre, tout simplement. Et il va être l'un des fers de lance avec Andrieux, Lord Duron, etc., de ce mouvement à l'époque. Et tu parlais, alors tout à l'heure, tu parlais des syndicats de femmes et puis les femmes qui s'organisaient. Et justement, il y avait plein de femmes qui se sont mobilisées contre la grève, contre la guerre, et notamment en bloquant les gares, et puis parce que leur gamin ou parce que leur mari était appelé. Ça, c'est encore aussi conjoncturel. Il y a eu plein d'émeutes par rapport à ça. Il y a eu quelques émeutes, il y a eu des pillages de boulangeries dans les courants de l'année 17. Hein. Il faut savoir que l'approvisionnement de Saint-Étienne était exécrable. Il y avait quasiment la famine, hein, selon les mots du préfet de l'époque. On était au bord de la famine à Saint-Étienne. Donc les marchés, il y en avait qui spéculaient, il y en avait qui se faisaient de l'argent. Donc des femmes ont pillé des boulangeries à l'époque. On a des rapports, il y a des boulangeries qui étaient fermées parce qu'il n'y avait pas assez d'approvisionnement. Et les femmes qui sont pour la première fois de leur vie, en fait, peut-être rentrées massivement à l'usine, ce qui est une première dans leurs conditions de l'époque, vont en plus de ça avoir leurs enfants qui vont être mobilisés, leurs enfants ou leurs maris. Donc la guerre s'éternisant, les besoins de soldats se faisant de plus en plus pressants, on rappelle de fur et à mesure toutes les classes disponibles pour aller faire la guerre, et donc les femmes vont dire stop en fait à tout ça, du moins les femmes, une partie des femmes, donc notamment des femmes de Firminy, de Saint-Étienne, de Saint-Chamond, vont lutter contre le départ des jeunes appelés sur le front, en allant bloquer les gares, en s'asseyant, en s'allongeant sur les voies de tram à Saint-Étienne, donc ça devait être quand même assez... bizarre, on va dire, pour les autorités de voir des cortèges de femmes qui ne pouvaient pas être atteintes par la mobilisation, qui allaient, et surtout qui disaient on veut plus la guerre, on veut que nos enfants restent là, on en a marre, etc. etc. Donc il y a eu des gros mouvements, plus de 1000 femmes qui allaient sur la gare de Château-Creux, à Saint-Chamond, il y a eu des interpellations, la troupe venait, donc la troupe, elle n'a pas, a priori, pas chargé contre les femmes, mais il y a eu des arrestations, donc c'était une situation qui était complètement nouvelle aussi pour le mouvement ouvrier de l'époque, hein, où il y a eu une montée en puissance du rôle des femmes dans la guerre, quoi. Voilà, on pourrait peut-être essayer de passer un... Ouais, peut-être on va devoir conclure. Ouais, donc, Parce qu'en fait, c'est vraiment passionnant, mais on se rend compte à chaque fois qu'on pourrait raconter mille autres choses. Et j'espère qu'on fera d'autres émissions où on pourra raconter la suite ou d'autres histoires du monde ouvrier stéphanois. Mais est-ce que vous auriez soit des contacts, soit des bouquins, ou je ne sais pas quoi, à conseiller aux gens s'ils veulent creuser, en savoir plus? En plus, il faut rappeler que le Grémos veut rassembler plein d'archives du monde ouvrier stéphanois et donc appelle à les gens qui ont envie de participer à cette aventure de recueillir ces archives, les appelle à se manifester, quoi. Quant à la bibliographie, elle est assez succincte sur Saint-Étienne. Finalement, avec le recul, on a beaucoup de trous et de manques, je trouve. Mais il y a quand même des bouquins essentiels, hein, la thèse de Yves Lequin, la thèse de Jean Lorsin sur cette période aussi, qui est énorme, qui fait 3000 pages, qui est disponible à la bibliothèque municipale à Tarentaise à Saint-Étienne. Il y a les travaux de Daniel Colson. Il y a les travaux de Raphaël Lee à l'époque, de Zancarini Fournel aux archives départementales. Donc, c'est vrai qu'il y a moyen de connaître un peu mieux cette vie ouvrière et les luttes qui en ont découlé. Mais il y a quand même des manques, d'où la nécessité aussi pour le Grémos de constituer des fonds d'archives, de constituer des fonds d'archives orales et d'essayer de mener à bien des études qui font cruellement défaut à Saint-Étienne, à mon avis. Et puis aussi, il faut rappeler que les archives municipales, elles sont accessibles et c'est possible d'aller consulter. Voilà, sur les archives municipales et les archives départementales. Hein, le fonds des archives départementales, la série 10M, est un fonds énorme concernant le mouvement ouvrier à Saint-Étienne, les grèves, les syndicats, etc. Et toutes ces archives sont consultables. Donc les personnes qui veulent prendre du bon temps et aller consulter des archives de l'époque, ils peuvent aller aux archives départementales, hein, et demander au personnel de les guider pour faire des recherches. Mais il y a un fonds exceptionnel qui est à disposition du public. Il n'est pas soumis à dérogation. Aux archives municipales, c'est la même chose. Donc, il y a matière à réflexion et tout l'intérêt du Grémos maintenant est d'étendre un peu le travail là-dessus. C'est comme les collections de journaux, se lancer à lire les journaux de l'époque où il y a toute la vie de... Voilà. Il y a beaucoup de journaux qui existaient. Exactement. Si des personnes ont du temps à tuer qui veulent nous donner des perspectives intéressantes là-dessus, ils peuvent étudier les journaux. C'est super intéressant parce qu'on a la petite vie quotidienne, mais en même temps, on a l'image que la société avait de l'époque. Ce qui était Saint-Étienne à l'époque. Voilà. Quoi. Donc, il y a tout un travail qui est à faire et qui va perdurer, on espère. Donc le Grémos, on rappelle, c'est le groupe de recherche et d'études sur les mémoires des mondes ouvriers à Saint-Étienne. Est tout le temps à la recherche, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui disposent d'archives, qui ne savent pas quoi en faire ou qui voudraient en profiter pour la science, tout ça, ouais. Le Grémos est preneur. Voilà. D'accord. Donc pour le contacter, c'est un peu plus difficile. Il faudrait donner des... Donc au pire des cas, gens qui veulent contacter le Grémos peuvent essayer d'aller sur le site du MODIS, parce qu'il est hébergé par le site du MODIS, on a tous les contacts. Mais sinon, venir à l'université Jean Monnet, au laboratoire d'histoire ou de sociologie au MODIS, et les personnes pourront prendre contact avec nous sans problème. Hein. Et vers le Grémos. Si les personnes veulent témoigner aussi sur leurs conditions de vie, sur leurs conditions de travail, transmettre une certaine mémoire, tout est bon pour nous. Voilà. Ok, on va clore cette émission. Elle va être rediffusée à 17h si vous l'avez prise en cours et que vous voulez la réécouter. Et on va clore avec un peu de musique. Voilà. Et on finit avec... Oui, on termine avec Slimane Azem qui va nous chanter une chanson qui s'appelle Az Tchetchik. Voilà. Et c'est parti. Au revoir. تنادي هذا الشذخير هذا الشذخير المشتوب ما يلو في غثالة سينق تحصل ضيس المرغوب تكس ضيني البغيغ تحط مرض اللي نينو بيغ أرميرة تساوي غدنوب تنادي غندا يلا يفر في اللي وردي بان يفر في اللي وردي بان إيش جايد طلالا دور يغس باين يلهان دور يغس باين يلهان يسوف غددك العلان يكسي ولاذين غمان يسوف غددك العلان يكسي ولاذين غمان أسيادي غاب الشتير هذا الشتكي غير مشتوب ميلوكي غاب سينير تحصد ضيس المرغوب تكس ضيني نبغي غد حتى مرفل ديني نوخير هرمي رتساوي غدرون كل غرس نادي غفلس ألم الفرقة غلموت ألم الفرقة غلموت وفي غيب باس الجراس تشرور ودم السكور تشرور ودم السكور ظفر غفر ميد الحارس يرأييد غفتبور ظفر غفر ميد الحارس يرأييد غفتبور أجنادي غاب الشتير هذا الشتير غير مشتور تحصد ضيس المرغوب تكس ضيني نبغي غد حتى مغفل ديني نوفيق هرمي رتساوي غد نوم يبوس ذي ثرقيت يضصد غورين مسلام يضصد غورين مسلام ظلبع كل شي ذي الدونيس هاتي دياوي وحد السخام هاتي دياوي وحد السخام ينشتور اتسام الديث دين قريبة يغلي طلام ينشتور اتسام الديث دين قريبة يغلي طلام بس هذي غاب الشكير هذا الشتكي غير مشتور ما يوفي اعتاد تحسب ضيس المرغوب تكس ضيني نبغي غد حتى مغفل ديني وفيق الميرة تساوي غد نوم ذا نرجع في وسم رفاين أروي غفل سلوم أروي غفل سلوم إني غاسف كيل ملايين توكل ضيد غفل قوم توكل ضيد غفل قوم ينش روح صبر داين شين الدوني ثوري تدوم ينش روح صبر داين شين الدوني ثوري تدوم هذا الشتكي غير مشتوم تحصد ضيس المرغوب تكس ضيني نبغي غد حتى مضفل ديني نوفيق هرمي رتساوي غد نوم لسنا ذي غد الشتكي هذا الشتكي غير مشتوم ميلا وفيق تباسيني تحصد ضيس المرغوب تكس ضيني نبغي غد حتى مضفل ديني نوفيق هرمي رتساوي غد نوم